donner une conscience de du poids redoutable de chaque mot, du poids redoutable de chaque phrase, une conscience aussi aiguë que possible, qui ne pourrait pas être absolue, mais ce serait déjà rendre un service à chacun.